19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Eh ben, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bien, la semaine dernière, j'ai été ravi d'accueillir Roger Chauveau de Planète Claire et qui est en même temps l'organisateur du salon du disque et de la BD, donc qui aura lieu donc dimanche au chapiteau. Donc petit rappel, donc si vous voulez vous rafler des petites choses, voilà, pour compléter votre collection, vous mettez-le dans votre agenda. Voilà pour ce que vous restez à faire pour ce dimanche. Sinon, ce qui concerne l'émission ce soir, eh bien, il y aura des nouveautés au nombre de 4. Des petites vieilleries aussi que je nous ai ressorties. Bon, est-ce que de temps en temps, faites bien de se replonger là-dedans aussi. Et on va se faire évidemment aussi un hommage à la chanteuse écrivaine Andrea Meyer, qui est décédée donc mercredi dernier des suites de l'attentat qui a eu lieu à Kongsberg en Norvège. Et oui, ça fait partie des 5 victimes. Voilà. Vous êtes prêts? On va commencer tout de suite dans une ambiance gothique et on va retrouver les Américains de Unto Others et leur album Strength. Tout d'abord, on va s'envoler avec le Little Bird. We'll be right back. Nebelex avec le morceau Falling, extrait de l'album Deadwater sorti en 2009. Et ben ça, c'est un hommage donc à la chanteuse Andrea Meyer, donc qui a disparu mercredi dernier, assassinée donc de l'attentat de Kongsberg. Et oui, c'était donc l'une des victimes du tueur à l'arc en Norvège. Voilà, donc Nebelex, c'était son projet. Alors, pour le situer un petit peu, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui sont pas familiarisés avec l'univers gothique, là où elle est plus connue. Elle a travaillé en solo. Elle a été l'épouse de Thomas Haugen, qui était donc le guitariste Samos de Emperor, entre autres. Elle a aussi collaboré beaucoup sur le premier album de Cradle of Filth avec Satyricon également. Et en même temps, c'était une écrivaine qui a écrit beaucoup des trucs assez occultes. Était très très branchée par le surnaturel. Voilà. Enfin bref. Donc c'était donc à sa mémoire. Juste avant Nebelex, on a eu Unto Others, les Américains de Unto Others, c'est leur premier album Strength, et on a eu donc le morceau Little Bird qui a ouvert donc l'émission ce soir. Ben maintenant, on va faire un petit tour en Angleterre et on va retourner dans le temps 1986. On va retrouver les pionniers du trash anglais Sacrilège avec ce live qui est sorti il y a 8 jours, mais donc qui a été enregistré donc 35 ans avant. Sacrilège donc était un des rares groupes de trash en plus à avoir une chanteuse. C'est quand même assez pas très courant, surtout à l'époque. Donc là, on va se décrasser les oreilles avec The Closing Irony. C'est vrai que c'est brutal l'arène, mais bon, ça c'est du Destroy comme on l'aime. Donc c'est deux petits extraits donc du Live at Leeds 1986 de Sacrilège, sorti il y a 15 jours, donc des vieilles bandes qui ont 35 ans qui viennent d'être exhumées. À l'instant, A Violation of Something Sacred, et avant The Closing Irony. De la perfide Albion à la Corse, bah, y a qu'un pas, ça c'est la magie de la radio. Et aussi, beaucoup plus cool, on va revenir donc à un nouvel album de Shangri-La, que je vous ai présenté il y a 15 jours, et là on va se faire The Test Machine. No, I don't know. No, I'm not sure. That's all I'm sure. I'm becoming everything I didn't want. I'm writing for people I don't like. That's all I do, I'll do it for them. That's all I do, I'll do it for them. Understand why would they not? monsters. Magnetic monsters. C'était The Roost avec leur album Alice, qui est donc sorti cet été. Et juste avant, venu de Corse, Shangri-La et leur dernier album In My Vein, avec ce soir The Test Machine. On va se faire la première nouveauté de la soirée avec un tout nouveau groupe dont on a beaucoup parlé avant même de ce qui sorte leur premier album. Je pense que c'est le genre de groupe que beaucoup de gens vont aimer haïr en quelque sorte. On va parler donc de Spirit Box. Alors Spirit Box nous vient du Canada, c'est un duo, la chanteuse Courtney LaPlante et son mari, le guitariste Michael Stringer. Bon, ils sont déjà très connus dans les milieux rock, parce qu'ils avaient déjà, ça fait longtemps qu'ils tournent sous d'autres groupes, mais qui n'avaient jamais vraiment marché. Donc pour ce groupe là, ils ont vraiment mis le temps qu'il fallait, et plutôt que de sortir un album tout de suite, ils ont préféré sortir par petits bouts des singles, des clips, etc., où on voyait vraiment un groupe très professionnel, ou qui a mis vraiment beaucoup de moyens pour soigner vraiment tout ça. Et ce premier album qui s'appelle Eternal Blue là, qui est sorti donc le 17 septembre dernier, vraiment, on nous montre tout ça, une production très moderne. Alors, on peut reprocher que ça bouffe à tous les râteliers, si je peux me permettre l'expression, parce que bah, le timbre de voix de Courtney peut faire penser des fois à Emily d'Evanescence, mais certains morceaux aussi. Et par moments, on est plus proche de Ginger ou de Arch Enemy aussi sur certains morceaux. Vous voyez, comme quoi, il y en a vraiment pour tout le monde. On peut dire que cet album, c'est vraiment la bande-son parfaite du heavy metal des années 2020. Eh bien, je vous invite à découvrir avec un petit morceau, une petite douceur, qui s'appelle Hurt You. Destroy! Les Alsaciens de Dan White Mullis avec le morceau Dan White Mullis, extrait donc de leur dernier album Mechanica Temporis sorti l'été dernier. Et ça, croyez-moi, c'est un des coups de cœur de l'émission. Juste avant Dan White Mullis, première nouveauté de la semaine, le Spirit Box avec Earth You, extrait du premier album Eternal Blue, un groupe à mon avis. Est-ce que ça va être un feu de paille ou un futur grand? À suivre. On se fait quelque chose de plus rock'n'roll maintenant? Eh ben tiens, pourquoi pas revenons un petit peu au dernier album de Lords of Altamont, qui est sorti donc au printemps dernier, qui s'appelle Turn On, Tune In, Electrify. Et on va se faire un petit morceau sympa qui s'appelle Million Watts, Electrified. Bah, un titre comme ça ne peut être dédié aux auditeurs d'Electric Shock. Gotta beat the devil before the day. I said, I'll beat you soon. Les Ramones, les regrettés Ramones avec Techies At It Comes, une reprise des Doors qui figurait sur l'album Mondo Bizarro, sorti en 1992. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et juste avant The Ramones, c'était donc The Lords of Altamont avec leur dernier album Turn On, Tune In, Electrify. Et c'était le morceau Million Watts Electrified que vous avez eu à l'instant. Maintenant, tiens, on va se faire un petit peu de métal germanique. On va revenir au live de Gamma Ray, censé célébrer donc leurs 30 ans de carrière, mais un live un peu particulier, comme je vous le disais la semaine dernière, puisque c'est un live stream, donc sans public, enregistré dans une salle de concert, ça se voit, avec tout l'éclairage et tout ça. Enfin, bon, comme je vous disais, il manque quelque chose quand on entend juste les clap-clap des quelques techniciens à la fin de chaque morceau, et puis au niveau NIAC aussi, il manque quelque chose, parce qu'on sent que le groupe, c'est plutôt une répète grandeur nature, voilà quand même. Donc ce soir, on va se faire un très long morceau. On va se faire Avalon, qui était à l'origine sur l'album Empire of the Undead. Ah, puis j'ai oublié de vous dire que l'album, si vous voulez, ça vous intéresse, s'appelle 30 Years of Amazing Awesomeness. It's called Avalon. Where entre guillemets, donc extrait du CD-DVD de Gamma Ray, 30 Years of Amazing Awesomeness. Deuxième nouveauté de la soirée, c'est Destinity. Alors Destinity, c'est leur grand retour. À l'origine, c'était un groupe de death metal mélodique originaire de Lyon, qui s'est formé en 96 et qui s'est séparé en 2013. Et dedans figurait le chanteur Mick César, qu'on a retrouvé donc plus tard dans No Return. Et en 2019, lors de l'occasion de refaire un concert avec ses vieux copains du groupe, ça s'est tellement bien passé qu'ils ont décidé de le reformer à nouveau. Et du coup, bah, ils ont ressorti un nouvel album qui s'appelle, qui est sorti là il y a deux, trois semaines, In Continuum. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire, que si vous aimez le death metal à la suédoise ou autre, vous n'allez pas être déçu du tout. Le morceau, c'est maintenant, bah, Reflections. 20h02 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, vous écoutez bien Electric Shock, l'émission métal du mardi soir entre 19h et 21h. À l'instant, donc, la première heure vient de s'achever avec Exhorted et leur album All Bastards Never Die et le morceau Help Me. Juste avant, une de nouveautés de la semaine, la deuxième, Destinity avec leur album In Continuum et le morceau Reflection. Changeons de style et revenons, tiens, le nouvel album de Pat O'Mace, son album concept, qui explore un petit peu tous les styles. Et on va donc revenir à Welcome to a New World avec un morceau, ouais, quasiment progressif qui s'appelle Friend. La fortune vient en augmente. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir. Knocking on my door, nothing is the same. Is it the wolf I'm waiting for? Everything has changed. I am lying on the floor, waiting for a boat to take me in a road. I'm dreaming of my goal. Every night when I feel blue, I hear it in my brain. Sure that life is not a Jew, no longer a game. There's an answer on the moor, fear is such a pain. It will not chain me anymore, freedom bleeds in my veins. Something's knocking on my door, I won't leave in shame. I will play another score where I'll be my name. My senses are blooming in the darkness. I ride a white horse through the flames. And my behind the road all boundless. Yeah. Friend, donc un extrait de Welcome to a New World, le dernier album de Pat Homey. Encore une nouveauté, la troisième tout de suite maintenant, avec un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui s'appelle Tiger Lich. Alors, ils existent depuis 2013. Ils avaient déjà sorti un premier album en 2019, et celui-ci, là, vient de sortir là, début octobre, qui s'appelle Melancholy Bridge. Alors, musicalement, le groupe, c'est un mélange de rock, de stoner, de punk, de hardcore, enfin, bref, du gros rock qui tâche, voilà. Ça vous dit d'écouter? Eh ben, on va se faire un petit extrait qui s'appelle Mantis Religiosa. Oh, you ever feel the cold in the silence of nightfall? Do you ever hear that song keeping you awake so de Spirit Bomb et leur premier album Tight, et c'était le morceau Come Out. Juste avant, la troisième nouveauté de la semaine avec un groupe de pareil du même coin, Tiger Lich et son deuxième album Melancholy Bridge, et c'était le morceau Mantis Religiosa que vous avez eu ce soir. Et bah tiens, on va faire un petit bond dans le temps et on va revenir donc à la réédition du Metallica Black Album pour les 30 ans, donc sorti au mois de septembre. Donc depuis quelques semaines, je vous passe donc des extraits, soit de démos, soit du live. Là, on va faire un petit tour à Mannheim, en Allemagne. On va se retrouver donc le 22 mai 93, ça c'est pour les archivistes, pour un concert décoiffant. Oui, je sais de quoi je parle parce que j'y étais à ce putain de concert. Alors quand j'ai vu que sur les morceaux live, ils avaient choisi deux morceaux de Mannheim, je dois avouer que j'ai eu presque la petite larme à l'œil. On va se faire un morceau qui n'est pas toujours très courant dans les setlists de Metallica. C'est Of Wolf and Men. Of and Men. Yeah. And are you sure it's right? Woman's young, she's a certain old man, doesn't buy it. What's the fun? Can he buy what he wants to hear? You want us, who wants to you? You're a dependent man. Is it good for us or harmful? Does it make no impress? Our children need to know what's going on, and then the world is a mess. What the fuck? Can we say what we think it's for? Clean up the world, and we'll be singing praises forever. Can't you see? No ripping your play, our independence. No one can answer. There's never a way to stop the music. It's hard on us, we're gonna be hard on you. Can't you see? Don't rip in your play, our independence. No one tells you. There's never a way to stop the music. If you're hard on us, we're gonna be hard on you. Classique de Flotsam and Jetsam, Hard on You, donc extrait de l'album Live in Phoenix sorti en 2004. Flotsam and Jetsam, pour ceux qui ont oublié, c'était le groupe dont faisait partie Jason Newsted avant de rejoindre donc Metallica. Et Flotsam and Jetsam devrait, je dis, j'insiste bien sur devrait, venir en concert à Paris fin janvier en compagnie d'Accept et de Phil Campbell and the Bastard Son au Bataclan normalement, si tout va bien. Juste avant Flotsam et Jetsam, bah, c'était justement Metallica avec un extrait donc, de la réédition du Black Album. Vous avez eu droit donc à une petite version live et bien crue de Of Wolf and Men, enregistrée à Mannheim en mai 93. Et il est déjà presque 20h30, puisqu'il est 20h28 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Je vous rappelle, vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Là, on s'en est grillé déjà pas mal, puisque j'ai déjà presque une heure et demie déjà de passer. On va revenir au nouvel album d'Iron Maiden, Senjutsu, qui fait couler vraiment beaucoup d'encre. Certains disent que c'est un chef-d'œuvre, d'autres que c'est un album plutôt mollasson, etc. Bon, ben, je vais pas vous dire ce que j'en pense. Voilà. Toujours est-il que Maiden, le premier morceau qu'ils avaient dévoilé cet été, n'est peut-être pas très représentatif de l'album, mais montrait quand même que malgré tout, la légende britannique était quand même capable de prendre certains risques entre guillemets, avec ce Writing on the Wall, dont l'intro faisait pourrait presque faire penser à du Lynyrd Skynyrd. Ouais, on peut le dire, ouais. Et puis bon, c'est clair qu'avec trois guitares, faire du Lynyrd Skynyrd, ce serait faisable. D'ailleurs, je trouve que Maiden, avec trois guitares, il pourrait vraiment faire des choses plus intéressantes que ce qu'il faut. Enfin bref, wait and see. We'll be right back. The Writing on the Wall de Iron Maiden, extrait de Senjutsu, qui était donc le premier extrait de l'album en avant-première, on va dire, le single en quelque sorte. Bah tiens, on va le dédier à l'ami Chris des Iron Troopers, grand fan de Maiden devant l'éternel. Puis je vais poser une petite question. Est-ce que lors de la prochaine setlist, des extraits de Senjutsu sont prévus? Wait and see. On verra ça peut-être lors du prochain Trooper Fest qui normalement devrait avoir lieu au printemps prochain. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, on verra bien comment évoluera la condition sanitaire à ce moment-là. Un petit peu de punk rock, ça vous dit? Eh ben, on va refaire un petit peu, on va revenir au groupe Tarahou, groupe punk rock grungy franco-américain qui nous a sorti son album Supposedly a Man très récemment. Et on va se faire quoi? Bah, Supposedly a Man. Specific dreams and your heroic acts. I got a taste of the example you set out here with us simple folks. So you think his mind because someone said no to him. I just saw a man who pouted because he did not get what he wanted. I just saw a man who used his privilege to get what he wanted. But what I remember most is seeing the sky insult his pregnant wife. When she was always there for him, and that is not a man. De Last Addiction et leur album Inner Abyss que vous devez commencer à connaître. C'était The Red Tape à l'instant. Juste avant Last Addiction, Tarawu et leur album Supposedly Human, et c'était donc le morceau titre. On va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui a fêté ses 50 ans de carrière en 2019. Et oui, donc avec un peu de retard, mais enfin bon, c'est la situation comme moi. C'est Judas Priest. Judas Priest, donc, qui existe donc depuis 1969. Et pour ça, ils ont, pour célébrer ça, ils nous ont sorti soit un gros coffret regroupant l'intégralité de tous leurs albums, plus plein d'inédits, au moins une dizaine de CD live, toutes périodes confondues, inédits, plus des bouquins avec des photos, des reproductions d'affiches, etc., etc. Mais enfin, ce coffret est non seulement, n'est pas, et que c'est cher, mais enfin, quand on regarde tout ce qu'il y a dedans, le prix est on va dire, honnête. Le problème, c'est que c'est très difficile à trouver. C'est quasiment de l'édition limitée. Voilà. Donc, pour le chaland moyen, il y a eu une compilation qui est ressortie, une de plus. Vous allez me dire, pourquoi cette compilation est intéressante? Alors, si vous êtes un fan moyen de Judas Priest, aucun intérêt pour vous. Par contre, si vous êtes vraiment un gros fan, oui, il y a quand même un certain intérêt. Bon, déjà, rien que par le fait des titres choisis, parce que des compiles de Judas, il y en a quand même une pléthore, et là, on n'a pas de Hellbent for Leather, ni de Breaking the Law, ni de Painkiller, non. Le groupe a plutôt choisi des morceaux un petit peu, des seconds couteaux, quand même des morceaux très connus, mais bon, auxquels on pense un peu moins. Et surtout, il y a 7 inédits live, enregistrés entre 1978 et 1991, comme quoi ça rend cette compilation quand même intéressante, voilà. Donc elle s'appelle 50 Reflection 50 Heavy Metal Years of Music. Tiens, d'ailleurs, Judas Priest devait être en tournée en ce moment aux États-Unis au mois de septembre, justement pour ça. Tout ça a été retardé car le guitariste Richie Faulkner a eu un grave problème cardiaque et bon, je pense que c'est, faut pas compter avant 2022 que le groupe nous revienne. Alors, quand est-ce qu'ils viendront sur le vieux continent? Wait and see. Donc pour ce soir, je nous ai choisi un classique quand même de Sad Wings of Destiny. Je nous ai choisi cette version live de Victim of Changes qui a été enregistrée à Cleveland le 9 mai 1978. Victim of Changes. We'll be right back. dire, ce morceau est vraiment magnifique. C'était Victim of Changes en live, enregistré en 1978, qu'on peut trouver donc sur la compilation Reflection 50 Heavy Metal Years of Music. Et croyez-moi, tous les inédits live ont un son vraiment à décorner les bœufs. Et il est 20h54, et ouais, c'est bientôt terminé. On a le temps de se faire un dernier morceau, bah, toujours en live. Et on va revenir à, on va faire un petit tour à Tokyo en 2001, où on va retrouver les vétérans de Kiss, qui normalement sont en tournée d'adieu. Ils devraient nous rendre visite au mois de juin 2022, normalement, si tout va bien. Et on va terminer avec leur classique Black Diamond, extrait donc du Off the Soundboard. Black Diamond, donc le classique de Kiss, extrait du Off the Soundboard Tokyo 2001, voilà. C'était donc le dernier morceau de l'émission. Merci une fois de plus d'avoir été fidèle à ce rendez-vous du métal. J'espère vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine ou pas. Et n'oubliez pas, notez bien sur vos agendas, hein, si vous avez envie de vous dégoter un des petits disques qu'il y a eu ce soir, eh bien, allez faire un tour au salon du disque, tout disque et BD. Dimanche, donc, au chapiteau, à partir de 9h30 jusqu'à 17h30. Et puis, que ceci ne vous empêche pas d'écouter plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Allez, à mardi, salut à tous!